Je mate la petite, elle est jolie comme Coco. Elle me donne les frissons, c'est pas facile, on s'accroche. Bébé la lagosi, tu ne donnes pas le lait. Et moi je ne gère pas les ondis, les jaloux vont taille, c'est pas vrai. Yango tu me troubles, on fait ça en solo. Je t'appelle écoute, ma boki fianga. Ma diwa bébé là, bébé, ma boki fianga. Je t'appelle, écoute, ma boki fianga.